Je lâche mon dévolu et je te choque comme une rafale de claques dans ta joue. Imagine un large qui te met en joue. Imagine aussi deux hommes qui se pètent le trou. Toi, pour rappel, tu vas au trou. Et ce pédophile, c'est pas c'est pour fou choquant. Le nombre d'apparitions du président. Il paraît qu'en 2007, c'était l'homme le plus élégant. Le beau spouche et l'accouchement d'un mort, ça choque comme le sacrifice d'un porc. Flip fasciste, ça va de pair. Avec 4 plus, il frappe son père. Il frappera aussi sa mère. Je choisis François Jacob ou Alzheimer. Car pour mourir, l'euthanasie, c'est super galère. C'était innocent, les gars contrôlent la peine de mort. Alors, constant, c'est accusé à tort. Si à ton âme, t'as plus d'une corde. Sous mon sol, y'a plus d'un poil. On n'est pas au Moyen-Âge. Allez, robe à tes sandales. Si tu fais la langue de pute, je fais pas la langue de bois. Alors, fils de pute, je finis mon couplet comme ça. Choquant, comme les dégâts que peuvent causer une fuite de gaz. Comme les propos racistes tenus par le fils de base. C'est choquant, comme une balle gratuite. Comme un top top qu'à 6h du mat, c'est choquant. Comme un coup de pare-choc, comme un humain qui se troque, comme un barbu qui se frotte, comme un coup d'escroc. T'es choqué, tu te fais enculer dans la douche. Ta gamine te dit j'ai vu maman avec un zizi dans la bouche. Un choqué, imagine-toi te faire poucave par un muet. T'as fait avec l'intention d'aller violer un handicapé. T'as refilé le sida, c'était pas en éternuant. T'as pas éternué devant ton gramme de CC. Choqué, comme un humain qui croit en ses rêves. Comme un chrétien qui croit en son moine pédophile. Comme des dizaines de cadavres qui s'échouent sur les rives. Les plus grands meurtriers n'ont jamais plaidé la folie. Choqué, choquant, comme un blaireau le fou. Comme un poitard dans une crèche, comme un violeur dans une foule. Comme un imam qui vante la cam. Un nain sur une grosse bécane ou un facho qui vante la canne. Choquant, comme une épée qui gratte des bois à travers des tombes. Hey, on veut s'en sortir comme un ajupé. Comme les deux petits mots qui marquent sur les bombes. Et ne sois pas choqué de la manière dont ils nous ont dupés. Choqué comme chercher, localiser ses enfants dans un charnier. Forcé à danser la polka sur un champ de mine. Choqué à charmer la madrée de sa compagne. Comme aller fourrer des chefs dans la campagne. Se faire un gangbang entre convives à sacré plein. À 10 ou à 20, après un bon repas rosé bon vin. Sans du gris, crime de sang, scène de crime, rite souffrance d'un jeune adolescent orphelin. Violé par son curé, appel de l'aide enfin. À son voisin et un de plus, un abusé sexuellement depuis des années sans qu'on l'ait vu. Tu me diras c'est dur, hein. Est-ce ça l'avenir? Je te répondrai c'est sûr. Mais c'est ça la vie, Christophe, mon notre destin s'assombrit, Clintalique, c'est choqué de tout ce qui se passe dans nos contrées. De tout ce qui est dans la vie, tu le vois à la télé. C'est choqué, nos petits frères vont commencer leur journée. Cautionner, c'est choqué, ne pas s'opposer, c'est choquant. Vous laissez pas vous étonner si nos enfants sont plus par choquant. C'est la merde, c'est le pire qu'on s'y accommode. Si on recommande, je me demande si les commandes veulent faire des gosses dans ce monde. Ok, TPS. Choqué, choquant, choqué. TPS là.